Aujourd'hui, en affaires sensibles et dans le cadre de la journée spéciale de France Inter sur la malbouffe intitulée « Les pieds dans le plat », revenons sur l'histoire d'une crise agroalimentaire qui a fait trembler l'Europe dans les années 90, la crise de la vache folle. Cette affaire qui a éclaté au printemps 1996, c'est celle d'une psychose collective face à des images chocs que nous avons encore tous en tête. Des vaches titubant ou n'arrivant pas à se tenir droit sur leurs pattes et qui finissent par s'écrouler dans d'étranges convulsions. Une maladie qui a touché 180 000 bovins atteints d'une maladie neurodégénérative incurable, celle de l'ESB, plus communément appelée la vache folle. Et puis on s'est rendu compte que cette pathologie était transmissible à l'homme et qu'elle était mortelle. Une nouvelle donne qui provoquera la plus grande crise agroalimentaire européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et aussi une crise de civilisation, car enfin, où va ce monde qui nourrit du bétail, normalement herbivore, avec de la farine de cadavres d'autres animaux? Quelle logique suit-on si ce n'est celle du rendement, donc de la rentabilité, aux dépens des lois fondamentales de la nature et de la santé de tous? Et surtout, quelles leçons avons-nous tirées de cette crise-là et de toutes les autres qui nous font douter de la sécurité alimentaire? La vache folle, stupeur et tremblement, nous en parlerons également avec nos invités Denis Chessoux, producteur de l'émission CO2 Mon Amour sur France Inter, et Frédéric Danhay, chroniqueur dans la même émission et co-auteur du livre intitulé « L'assiette est dans le pré ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius, Jérôme Boulet et Cyril Pascal. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 20 mars 1996, Palais de Westminster, Londres. Au siège de la Chambre des communes, les membres du Parlement sont réunis pour répondre aux courriers hebdomadaires de leur circonscription. L'ambiance est calme et personne ne s'attend à cette crise qui va déferler sur l'Angleterre et sur l'Europe. Pourtant, depuis quelques jours, une partie de la communauté scientifique britannique est en émoi. Une rumeur circule, selon laquelle une étude ultra-confidentielle émanant d'un laboratoire spécialisé dans les maladies neurologiques à Édimbourg remet en cause bien des certitudes sur la transmission possible d'une maladie neurodégénérative de l'animal à l'homme. Toujours à Westminster, face aux députés, le ministre de la Santé britannique, Stephen Dorrell, monte à la tribune et prend la parole. Avec votre permission, Madame le Président de la Chambre, je voudrais faire une déclaration à propos du dernier avis rendu au gouvernement par le comité consultatif sur l'encéphalopathie spongiforme, une maladie animale qui touche le cerveau et que l'on connaît sous le nom d'ESB. Le comité a examiné le travail fait par l'unité de surveillance d'Édimbourg, spécialisée dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sa variante humaine. Ce travail, qui concerne 10 cas de maladies identifiées chez des personnes de moins de 42 ans, a conduit le comité à conclure à l'existence d'une nouvelle maladie jusqu'à présent inconnue. Un examen de l'histoire de ces patients, des analyses génétiques et des considérations sur d'autres causes n'ont pas permis de trouver une explication satisfaisante. Et même si nous n'avons à l'heure actuelle toujours aucune certitude scientifique sur le fait que l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB, puisse se transmettre à l'homme par le bœuf, le comité a conclu que l'explication la plus probable pour ces patients malades est un lien avec l'exposition à l'agent responsable de l'ESB avant l'interdiction des farines bovines de 1989. Autrement dit, la seule explication possible est que l'agent inconnu à l'origine de la vache folle soit vraisemblablement transmissible à l'homme. En un instant, un silence de plomb s'abat sur la Chambre des communes. L'ESB, encéphalopathie spongiforme bovine, une maladie animale plus communément appelée maladie de la vache folle, serait-elle transmissible à l'homme? Serait-elle la cause de la maladie humaine de Creutzfeldt-Jakob? Faut-il arrêter de consommer de la viande de bœuf? Se peut-il que des gens soient infectés dans le pays sans le savoir? Aucune étude sur le sujet n'a pu formellement le démontrer. Mais si les études du laboratoire écossais sont avérées, l'Angleterre, premier exportateur de viande de bœuf en Europe, court à la catastrophe sanitaire, économique et politique. Dans les heures qui suivent, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Elle se répand dans toutes les salles de rédaction d'Europe et de tous les pays qui importent de la viande de bœuf britannique. Plusieurs télégrammes de l'AFP se suivent avec le même message. Alerte, urgent, AFP. Le ministre britannique de la Santé, Stephen Dorrell, annonce la possible existence d'un lien de transmission entre l'une des formes de la maladie animale de la vache folle et de la maladie humaine de Creutzfeldt-Jakob. La nouvelle est reprise dans toute la presse britannique et européenne. Alors une psychose s'installe dans l'opinion publique relayée par les quotidiens du soir en Angleterre qui titrent entre autres « La viande de bœuf est contaminée, les gens sont en danger » ou encore « Scandale de la vache folle, le gouvernement savait mais n'a rien dit ». Un vent de panique souffle sur l'Europe. Au soir du 20 mars 1996, s'ouvre une crise agroalimentaire sans précédent, c'est la crise de la vache folle. La nouvelle fait l'ouverture du journal d'Antenne 2. Madame, monsieur, bonsoir. Un vent de panique souffle sur l'Angleterre depuis que des médecins ont émis l'hypothèse que la maladie de la vache folle qui touche le bétail britannique, une sorte d'encéphalite bovine, pourrait être transmissible à l'homme et provoquer chez lui la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie mortelle du cerveau. Londres envisage, si ce rapport se confirme, d'exterminer à grande échelle tout le bétail britannique. La France a d'ores et déjà décidé d'interdire toute importation. Londres, Véronique Tavo. Des boucheries quasiment vides à une heure où habituellement les Anglais font leur shopping dans les grandes surfaces de Londres ou chez les détaillants, un même constat, le bœuf est largement boycotté. Dans 10 000 écoles du pays, pas un gramme de viande de bœuf n'est servi depuis ce matin. Entre colère et profonde inquiétude, il y a unanimité, plus question de manger de la viande de bœuf. Je crois que c'est terrible, je crois que le gouvernement a délibérément refusé de reconnaître ce que les gens disaient depuis longtemps. Moi, je ne mangerai plus jamais de bœuf. Je ne leur fais pas confiance, je ne suis pas sûre de ce qu'ils nous disent. Je pense que toutefois, c'est dangereux de manger du bœuf. Je crois que toute la viande en circulation est contaminée et je n'en mangerai pas. Pour la première fois, le gouvernement britannique reconnaît qu'il pourrait exister un lien entre une forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la maladie de la vache folle. Entre cette maladie qui provoque une dégénérescence du cerveau chez l'homme et la maladie qui affecte les vaches. Un lien que nombre d'associations essayaient de faire admettre depuis de longs mois et c'est bien cela qui provoque aujourd'hui la colère. 55 personnes sont déjà mortes ici en Grande-Bretagne et selon la presse, de nombreux cas pourraient se révéler dans les mois qui viennent. Fin de l'hypothétique barrière des espèces et donc possible transmission de l'agent de la vache folle à l'homme. Nombreux sont ceux qui découvrent une crise sanitaire sur laquelle les différents gouvernements sont restés jusqu'alors très discrets. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on a découvert l'encéphalopathie spongiforme bovine. C'est en novembre 1986, dans la province du Sussex, dans le sud de l'Angleterre, qu'une vache présentant des symptômes neurologiques atypiques, agressivité, perte d'équilibre, troubles cardiaques, est diagnostiquée positive à l'ESB. Un premier cas de vache folle donc. Dans les semaines qui suivent, dans des dizaines et des dizaines d'élevages de Grande-Bretagne, de multiples cas de vaches ayant les mêmes symptômes sont signalés aux autorités vétérinaires. Le principe de précaution est immédiatement déclenché et les animaux contaminés sont abattus, puis incinérés. Pourtant, à la fin de l'année 87, ce sont près de 800 cas qui sont recensés dès lors que le comportement de l'animal est jugé anormal et chaque semaine, ce sont des dizaines de bêtes qui viennent s'ajouter à la longue liste des bovins condamnés à mourir. À Londres, où l'on craint une épidémie, ou encore sur place des experts du laboratoire central vétérinaire du ministère de l'Agriculture, car il s'agit de comprendre comment et pourquoi les bovins sont malades. D'emblée, il y a cet élément troublant pour les scientifiques. Les symptômes des vaches atteintes d'ESB sont très proches de ceux de la maladie de la tremblante qui touche, elle, le mouton. Les scientifiques ne vont pas tarder à découvrir d'où vient le problème. Si les vaches n'avaient jamais mangé de viande, elles n'auraient jamais attrapé la maladie de la vache folle. Le geste en cause, avoir donné à ces traditionnels herbivores un aliment contre nature, des FVO, traduction, des farines, viande, os. Dans ces aliments, on met des rebuts d'abattoir, mais aussi des animaux d'écarissage, ceux trouvés morts dans les prés par exemple. Parmi ces carcasses, certains moutons atteints de la maladie de la tremblante, le germe a ainsi franchi la barrière de l'espèce. Voilà comment, 10 ans plus tard, en 1996, on se retrouve avec une crise sanitaire d'une ampleur mondiale à cause de pratiques agro-industrielles totalement irresponsables. Pour comprendre ce scénario ahurissant, il faut se replonger dans les années 80, les années Thatcher, où tout ce qui avait rapport de près ou de loin à une réglementation était considéré comme nuisible à l'économie. Ça s'appelle le libéralisme, qui est appliqué aussi aux réglementations sur la confection des farines animales. Jusque-là, obligation était faite aux industriels de chauffer les produits afin d'éviter que des germes infectieux ne puissent se retrouver dans la nourriture destinée aux bovins. Or, c'est par souci d'économiser le gaz que le gouvernement de Madame Thatcher invite les fabricants de farines animales à moins chauffer leurs préparations. Bon, 30 degrés de plus ou de moins, ça ne va pas changer le résultat final. Alors on chauffe moins. C'est à cause de cette nouvelle procédure qu'un agent pathogène issu des carcasses de moutons va subsister dans les farines et infecter les vaches saines. Cet élément, c'est le prion, une protéine diabolique. Le prion, c'est le dénominateur commun de la maladie de la tremblante chez le mouton et de celle de la vache folle. Dans son ouvrage publié en 1999, intitulé « De la maladie de la vache folle à celle de Creutzfeldt-Jakob », le professeur d'hématologie Gilles-Patrice Cassuto explique le rôle du prion. Lors des biopsies réalisées sur des animaux malades, le constat est sans appel. Les cervelles des bovins sont infectées de prion, une protéine 10 fois plus petite qu'un virus. Un agent pathogène bien plus redoutable qu'une bactérie et qui, lorsqu'il est replié sur lui-même, devient extrêmement toxique. Résistant au froid et aux radiations, seul un chauffage à très haute température permet de le détruire. Ce sont ces mêmes prions qui, une fois dans l'estomac du bovin, traversent la barrière du système digestif et se rendent jusqu'au cerveau. Ils se logent ensuite dans le tronc cérébral et, dans une configuration dite repliée, contaminent les prions sains naturellement présents à la surface des neurones. L'effet produit est le même que celui des dominos. Les prions finissent par tuer les neurones, leur mort mène à des lésions cérébrales sévères et irréversibles. Chez les bovins malades, grâce à des analyses microscopiques, on s'est progressivement rendu compte que ces prions engendraient une encéphalopathie spongiforme, l'ESB, une maladie irréversible qui provoquait chez eux une dégénérescence du système nerveux central. C'est bien simple. En l'espace de quelques jours, lorsque le prion devenait actif, le cerveau des animaux malades ressemblait vite à une éponge, avec des trous un peu partout. Ce sont ces trous cérébraux qui expliquent le dérèglement physiologique et physique chez les bovins atteints de la vache folle, ainsi que les syndromes externes qu'on peut observer chez eux, agressivité, perte d'équilibre ou encore impossibilité de se tenir sur leurs pattes. Face à ce scénario, le professeur Cassuto dresse un constat laconique. L'homme fou a rendu la vache folle en l'alimentant avec de la viande de mouton contaminée par un agent transmissible non conventionnel, le prion, nouvel alien parmi les agents infectieux. Puis, l'homme a consommé la vache qu'il a lui-même infectée pour être à son tour atteint d'une encéphalopathie, celle de Creutzfeldt-Jakob, la version humaine de la maladie de la vache folle. Une maladie rare qu'on identifiait le plus souvent chez des personnes âgées et dont la période d'incubation peut varier de quelques mois à plusieurs années, ce qui la rend difficilement détectable sans une biopsie du cerveau. Malgré des constatations similaires chez les animaux atteints d'ESB et les patients atteints de la variante humaine Creutzfeldt-Jakob, le dogme de la sacro-sainte barrière des espèces a longtemps convaincu les scientifiques qu'aucune contamination n'était possible entre l'ESB animal, la fameuse maladie de la vache folle, et sa variante humaine, celle de Creutzfeldt-Jakob. Et pourtant, 11 ans plus tôt, au début de l'année 88, certains chercheurs demandaient déjà que soit appliqué le principe de précaution pour éviter toute forme de contamination de cette maladie qui touche plusieurs milliers de bovins. Or, face à eux, il y a ces puissants lobbies de l'industrie agroalimentaire britannique qui pèsent plusieurs milliards de livres sterling à la Bourse de Londres. C'est David contre Goliath. Le septième jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner, traîner. À Paris plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds. Paris Eldorado sur l'eau. Que nos sentimos Sensible aujourd'hui la crise de la vache folle. Aux confins des années 90, les autorités sanitaires britanniques vont rapidement prendre des mesures rigoureuses. Le gouvernement annonce le 8 juillet qu'à titre préventif, tous les bovins atteints de SB seront abattus et détruits. Nous sommes en 1988. 10 jours plus tard, le ministère de l'Agriculture annonce l'interdiction de nourrir les bovins avec des farines d'origine animale, mesure qui ne concerne pas les porcs et les poissons qu'on va continuer d'alimenter de la sorte pendant des années. C'est ainsi que des dizaines de tonnes de farines animales possiblement contaminées vont continuer à être vendues à la France, qui ne bloque ses importations qu'en août 1989, puis pendant plusieurs années encore, vendu à la Belgique, à la Suisse, à la Hongrie, à la Pologne, autrement dit, à tous ceux qui voulaient bien en acheter. En 1990, on dénombre plus de 10 000 bovins malades de la vache folle en Grande-Bretagne. Le 1er mars, la Communauté économique européenne limite les exportations de bœuf britannique aux animaux de moins de 6 mois ne descendant pas de vaches suspectées malades, tout simplement parce que ces animaux jeunes n'ont pas pu consommer de farines animales. Pour l'instant, en France, au printemps 90, aucun cas de vache folle n'a été identifié sur le territoire, mais les consommateurs sont inquiets. Alors ils boudent le bœuf, que celui-ci soit français ou non. Dès lors, les pouvoirs publics doivent faire face à une crise économique pour toute la filière bovine. Aussi va-t-on mettre à contribution les médias pour qu'ils mettent en avant les témoignages de nombreux spécialistes français reconnus afin de rassurer la population et de lui faire reprendre le goût du bœuf. C'est le cas, par exemple, du professeur Jeanne Brugger-Picou de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Pour cette spécialiste reconnue, le problème sanitaire rencontré par les Britanniques ne peut pas arriver en France. Elle s'en explique dans le journal de France 2. Ça, nous n'aurons jamais l'épidémie anglaise. Il est évident que nous n'avons pas fait la bêtise de modifier la préparation des farines de viande en France, comme cela était le cas en Angleterre. Mais nous avons quand même eu quelques importations d'origine anglaise, qu'il s'agisse de bovins vivants ou de farines de viande, qui peuvent laisser suspecter ce risque. Mais ce risque sera minime relativement, nous n'aurons que des cas sporadiques. Étant bien prévenus de la maladie, il est évident que tout sera fait pour éradiquer la maladie rapidement, et ceci dans toute l'Europe, si un cas devait survenir. Aujourd'hui, dans l'état actuel de ce que l'on sait, est-ce qu'on peut dire qu'on peut consommer de la viande sans aucun risque ? Personnellement, je pense qu'on peut consommer de la viande sans aucun risque. Bref, dormez tranquille. Malgré ces messages qui s'appellent rassurants, à Paris où on suit avec attention la situation dans les campagnes anglaises, on reste préoccupé par l'évolution possible de la maladie. Aussi, afin d'éviter une contamination des cheptels français pour apaiser les consommateurs, le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, suspend les importations de viande de bœuf britannique. Dans les jours qui suivent, l'Allemagne et l'Italie lui emboîtent le pas. Pour l'agroalimentaire britannique, cette décision est une catastrophe, car elle perd ses principaux clients, qui dépensent chaque année près de 300 millions d'euros pour leurs importations de bœuf. Heureusement pour Londres, la communauté économique européenne, toujours bienveillante lorsque les puissants lobbies entrent en jeu, décide que contre la mise en place sur toute la Grande-Bretagne de mesures sanitaires draconiennes, les exportations de bœuf britannique peuvent reprendre en Europe. Cette décision permet donc la levée des embargos français, allemands, italiens. Dans le même temps, les Britanniques lancent une grande campagne publicitaire « British Beef is Safe ». Comprenez, le bœuf anglais est désormais sûr, aucune raison de vous inquiéter. Malgré toutes ces précautions, quelques mois plus tard, le 2 mars 1991, un premier cas de vache folle est signalé dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Les autorités sanitaires décident d'abattre le troupeau entier, près de 120 bovins. Au micro de France Inter, l'éleveur encore sous le choc raconte la scène. Bah, j'ai perdu 117 animaux, quoi. C'était un troupeau de 45 vaches laitières, plus toutes les genisses, plus un lot de taurillons. Et tout est parti, de la vache adulte au petit veau de 3 à 4 jours, tout le monde est parti. Le dernier matin, en fait, hein, il a fallu les traire et je leur ai donné à manger comme tous les jours. comme un jour normal, quoi. Sachant que l'après-midi est parti. C'est vrai qu'on est attaché à ses animaux, c'est normal, hein. C'est les siens, c'est mes vaches, quoi. Hein. J'étais pas là pour voir, donc on est rentré le soir, il faisait nuit, et puis le lendemain matin, c'était calme, il n'y avait pas un bruit, quoi. Tous les bruits qu'on entend habituellement dans une ferme, il n'y en avait plus le lendemain. C'est là que vous vous dites, ouais, vraiment, il n'y a plus rien, quoi. Cet épisode marquant, relayé par de nombreux médias, nous montre tout le pathétique de la situation. Certes, des vaches sont mortes, on les a sacrifiées, mais après tout, répondent d'autres. Hein, chaque année, sont bien 200 000 bovins qu'on emmène aux abattoirs pour qu'ils puissent prendre le chemin de nos assiettes. Alors, que pensait tout cela ? Jeu médiatique malsain ou volonté des pouvoirs publics de détourner l'attention du danger vers le malheur des éleveurs, nouvelles victimes autoproclamées de la vache folle ? Pourtant, elles sont victimes, nous venons d'entendre un éleveur. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, les mois passent et les chiffres de la contamination des bovins semblent croître de manière dramatique. De 15 000 en 1990, ils passent à 20 000 en 91, avant d'atteindre un pic de 36 000 cas en 1993, pour enfin diminuer et revenir à 5 000 trois ans plus tard, en 1996. Pendant toutes ces années, mis à part l'abattage systématique des bêtes malades, le gouvernement britannique assure que la situation est normale et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. « The beef is safe », comme on dit. Cette situation entre incertitude scientifique et hésitation politique nous amène donc au printemps 96, période où l'on découvre le danger réel de la vache folle, sa possible transmission à l'homme via la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dès lors, l'Europe entre dans la plus grande crise sanitaire de son histoire. Deux jours après l'annonce du ministre anglais de la Santé, la France interdit toute importation de viande bovine et de produits à base de tissus bovins en provenance de tout le Royaume-Uni. Cette décision est suivie quelques jours plus tard par la Commission européenne qui déclare un embargo total. En Grande-Bretagne, la crise du bœuf est un désastre économique et un mal honteux pour ce pays, premier exportateur de cette viande en Europe. Un commerce à 400 millions d'euros chaque année, rendez-vous compte. Londres doit maintenant retrouver la confiance des pays européens. Les médias anglo-saxons s'en font largement l'écho. Ils montrent leurs responsables politiques qui se rendent dans les fermes. Tout comme ils insistent dans leurs éditions quotidiennes sur les nouvelles formes de contrôle sanitaire dans les abattoirs, des méthodes visant à enlever au bœuf toute forme de tissu nerveux, ceux qui peuvent contenir le prion pathogène. En revanche, personne ne parle dans les médias des 55 victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et peu d'efforts sont faits pour aider les victimes et leurs familles. Elles sont éclipsées derrière les images des éleveurs sinistrés. Ce sont eux qu'on montre, car ils doivent abattre leurs troupeaux. Notre invité, Frédéric Brunkel, a rencontré certaines de ces familles dont la maladie a emporté un proche. Témoignage poignant qu'il a filmé. C'est une déchéance progressive. Il ne pouvait plus marcher, il était en chaise roulante. Il n'arrivait plus à parler ni à communiquer. Il ne parvenait même plus à manger seul. Nous devions lui injecter dans la bouche des boissons protéiniques avec une seringue. Et puis, il est tombé dans le coma. Le pire dans cette maladie est que les malades perdent leur capacité à communiquer. Vous ne savez pas s'ils sont conscients de leur état. C'est une déchéance terrible, sans espoir, et qui mène inévitablement à la mort. Mes pensées aujourd'hui vont vers ces jeunes ménages dont l'homme ou la femme est mort et qui essaient toujours d'élever leurs enfants. Ils n'ont reçu aucune aide financière alors que les éleveurs ont été indemnisés pour les vaches qu'ils ont perdues. Malgré ce scandale sanitaire qui va emporter à terme plus de 82 personnes, la priorité pour le gouvernement britannique, c'est l'opération Vache Propre, un coup de com' qui vise à rétablir la confiance du consommateur à tout prix. Alors hors de question que les médias s'apitoient sur les malades ou leurs familles. C'est cette politique qui va conduire à un dispositif pour soutenir le marché. Les géants de l'industrie agroalimentaire britannique vont décider, afin d'éviter toute forme de surproduction et de rassurer le consommateur, une politique d'abattage systématique des bovins de plus de 30 mois, soit près de 4 millions d'animaux en l'espace de 3 ans. Des animaux sains à 90%. Comme l'explique Peter Scott, représentant de la Fédération britannique de l'industrie de la viande, il s'agit uniquement de rassurer le consommateur par cette mesure choc. Là encore, c'est un extrait du documentaire « Mort aux vaches » de Frédéric Brunkel. Le but de ce plan d'abattage des bovins de plus de 30 mois est uniquement destiné à donner des garanties et à rassurer les consommateurs. À ce jour, nous avons détruit plus de 4 millions d'animaux. moins de 1% auraient développé des signes cliniques de la maladie de la vache folle. Et quoi qu'il en soit, en retirant tous les organes susceptibles d'être infectieux et de transmettre la maladie, nous aurions entièrement réduit le risque. Ce plan d'abattage coûte très cher à l'industrie de la viande, mais il faut reconnaître qu'il nous a permis de retrouver la confiance du consommateur et nous devons nous en féliciter. En France, l'administration sanitaire instaure le principe appelé « traçabilité » pour suivre la viande de bœuf de l'étable jusqu'à la boucherie. Comme son voisin britannique, la France lance une grande campagne de communication. Une manière pour les autorités françaises de dire qu'aujourd'hui tout est maîtrisé et que le bœuf qui arrive dans les assiettes est sans danger. Une mise au point s'impose. En prolongement des nouvelles réglementations sur l'alimentation des animaux et grâce à la carte d'identité de chaque bovin, les professionnels français peuvent vous garantir des informations, comme l'origine. De plus, des marques régionales vous garantissent des critères de qualité complémentaires, contrôlés de l'élevage jusqu'au point de vente par un organisme indépendant. Ces marques régionales s'associent au nouveau sigle Critères Qualité Contrôlée. Les marques de nos régions, savoir pour mieux choisir. On crée même un centre d'information de la viande, le CIV, pour informer les journalistes au quotidien sur l'évolution de la situation et bien sûr rassurer par un discours scientifique volontairement optimiste. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Les années passent et en 1999, Paris tient sa ligne Maginot pour se protéger face à la contamination de la maladie. L'embargo sur l'importation de bœuf britannique. Il faut dire qu'en France, même si le cheptel français est touché dans des proportions bien moindres que son voisin britannique, ça ne va pas empêcher l'apparition de près d'une trentaine de cas de vaches folles. C'est cet embargo qui crée une tension diplomatique avec Londres. En novembre de la même année, Paris refuse de lever l'embargo parce que, en 1999, on dénombre toujours 2000 cas déclarés en Grande-Bretagne. Bruxelles partage le point de vue de Paris, mais explique que la viande anglaise a le droit d'être exportée, non pas au motif qu'elle est devenue parfaitement saine, mais parce qu'au bout du compte, elle n'est pas plus dangereuse aujourd'hui que celle provenant d'autres pays. Dans cette crise, aucun impératif ne peut être placé plus haut que l'exigence de la santé publique. Aucune objection économique, aucune contrainte technique ne peuvent être retenues qui seraient contraires à cet impératif. S'agissant des farines animales, une expertise a été à juste titre demandée à l'Agence de sécurité alimentaire. Mais j'estime pour ma part que sans attendre les résultats de cette expertise, il faut suspendre l'utilisation de ces farines dans tous les élevages, en attendant de prendre une décision définitive au vu des dires d'experts. Au-delà d'une crise agroalimentaire et sanitaire d'une ampleur sans précédent, cet épisode est symptomatique d'une crise politique à l'échelle de l'Europe. Cette union de pays à l'histoire différente, à la culture différente et à la gestion du risque différente. De cette crise de la vache folle, aucune leçon n'est tirée par le pouvoir politique. La seule attitude des autorités va consister à consolider l'économie par des importations à bas prix de viande venue des pays de l'Est et à demander le retrait des farines animales. S'ensuivront des contaminations sporadiques mais marquantes en France, au Portugal, au Danemark, trois pays qui pourtant n'utilisaient plus de farines animales. Alors, comment la maladie s'est-elle propagée à des cheptels sains? Nombre de scientifiques pensent qu'il existe une troisième voie de contamination, des cas spontanés qu'il est impossible de prévoir, des bovins broutant dans les herbages où sont morts d'autres animaux malades, par exemple. La crise de la vache folle a déclenché des controverses durables sur les pratiques de l'industrie agroalimentaire moderne, mais aussi sur le comportement des consommateurs face aux risques. Elle est une démonstration magistrale de l'irrationalité du mangeur contemporain. Comme l'explique le sociologue Claude Fischer, c'est la thèse de la déraison alimentaire qui est proposée. Une piste intéressante. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go, walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la crise de la vache folle avec deux invités, Denis Chessou. Bonjour Denis. Bonjour Fabrice. Vous venez de fêter les 30 ans de votre émission La Tulu Monde qui loue sur France Inter, bien sûr. Et vous produisez aussi CO2 Mon Amour sur France Inter, évidemment. À vos côtés, Frédéric Dan et bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes chroniqueur dans l'émission de notre ami Denis Chessou. Le couple est formé, voilà. Nous allons pouvoir parler maintenant de la malbouffe, car tel est le sujet aujourd'hui. Toutes les affaires alimentaires qui ont pollué nos vies, nos assiettes et notre santé depuis 1986. Et ce scandale. Le terrible de la vache folle. Je dis terrible, hein, car il y a eu des morts, rappelons-le. Et tout cela pour que des groupes industriels fassent des bénéfices plus conséquents et réussissent à faire traîner les solutions pour réparer les dégâts et soulever les responsabilités. De ce point de vue, l'affaire de la vache folle est une affaire emblématique. Frédéric Dan, on va commencer avec vous. 15 ans après ce scandale de la vache folle, dont les conclusions n'étaient pas très optimistes, quelle est la situation sanitaire en général aujourd'hui dans ces grandes lignes? La situation sanitaire s'est améliorée, les contrôles se sont accrus, les contrôles sont plus stricts, les amendes sont plus lourdes. Il n'en reste pas moins que le fond du problème n'a pas été réglé. La bouffe, la malbouffe, c'est un marché mondialisé, c'est un marché spéculatif. C'est un marché comme le marché financier, comme tous les marchés de matières premières, de flux et de stocks, qui sont gérés par des filiales, des sociétés écrans. de sociétés qui fiscalement sont installées au bout du monde. Et donc forcément, bah, vous avez de la fraude, forcément vous avez de l'abus, et forcément il est extrêmement difficile et de plus en plus difficile au pouvoir public de simplement de vérifier, de surveiller. On l'a bien vu ensuite sur les crises sanitaires, hein, avec notamment vous savez, le Spanghero, et puis le cheval qui s'est fait passer pour une lasagne. Absolument. Frédéric Danhaye, j'en profite pour dire que vous avez publié ce livre avec Gilles Macagnou intitulé « L'assiette est dans le pré ». L'assiette, c'est comme le bonheur, en quelque sorte. Et puis vous, Denis Chessoux. Alors, c'est l'adulu Montilou. Oui, c'est pas une histoire de vache. Les indispensables. Alors, ça, c'est autre chose. Les indispensables. Denis Chessoux. Alors, c'est très chic, hein, préface d'Éric Orsella. J'en reviens à nos moutons. C'est le cas de le dire. Ou presque. D'abord, en mettant la lumière sur les gaspillages. Je vous donner quelques chiffres. C'est assez impressionnant. Près de 50 millions de repas jetés à la poubelle chaque jour en France. Mais oui, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées chaque année. C'est l'équivalent de 18 milliards de repas mis à la poubelle. Et dans le monde, un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. Denis Chessoux, pourquoi ce passage par la case gaspillage quand on donne les chiffres comme ça? Ça paraît tout à fait indécent et absolument inacceptable. C'est un marché absolument dément, on va dire, que celui du gaspillage, qui n'est pas forcément voulu, mais à partir du moment où vous créez des besoins qui ne sont pas nécessaires aux individus, eh bien, vous avez aussi du gaspillage. C'est-à-dire qu'on est sur des pulsions d'achat. Et donc, à la suite de ça, on ne s'intéresse pas forcément aux dates de péremption. D'ailleurs, on pourrait aussi, je viens de le signaler, lorsque vous achetez, par exemple, un yaourt, vous pouvez très bien le manger 5, 6, 7 jours. Ouais, c'est jusqu'à 7 jours, on va dire. Oh, même plus. Ouais, même aller jusqu'à 3 semaines si vous aimez bien les yaourts. On va pas vous dire ça pour le poisson, on est bien d'accord. Ni la viande. Là-dessus. Mais le gaspillage, il commence déjà dès le silo, si vous voulez. Il commence déjà lorsque l'agriculteur a ramassé, donc, mettons, ses céréales. C'est-à-dire qu'il y a notre gaspillage à nous, effectivement, depuis dans le réfrigérateur, mais il commence aussi bien en amont et à peu près dans toutes les passages, on va dire, de cette filière. Alors, évidemment que c'est complètement indécent, mais on va voir le côté positif, c'est que maintenant, donc, il y a eu quand même des lois qui sont passées et vous pouvez avoir donc des associations caritatives qui peuvent récupérer dans les supermarchés ce qui allait être balancé. Mais c'est à l'image de cette société. Nous sommes une société, de toute façon, complètement démente, qui marche sur la tête. Donc, le gaspillage fait partie de cela. Alors, puisqu'on faisait un état des lieux du gaspillage, on va faire un état des lieux rapide des affaires alimentaires, des scandales alimentaires qui ont émaillé l'actualité et notre histoire récente. Alors, la vache folle, on l'a dit, hein, pendant 6 ans, de 1986 à 1996, et puis 3 ans plus tard, la contamination à la dioxine, et puis il y a eu l'épidémie de grippe aviaire, ça c'était en 2003, le lait maternel frelaté en 2008, les graines germées contaminées en 2011, le porc transformé en bœuf en 2011, l'affaire Spanghero. Bien sûr, de la viande de cheval. L'homme qui murmurait aux oreilles des lasagnes de cheval. Exactement, ça c'était en 2013, voilà. Alors, cette liste est impressionnante. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec une prise de conscience plus aiguë et la lutte contre l'argent et les lobbies, les choses évolueront sensiblement? Messieurs, est-ce qu'il faut passer par là, Denis Chessoux? Alors, nous avons de toute façon des grands gagnants globalement dans l'histoire, c'est-à-dire ça a été les grandes surfaces et la grande distribution. Aujourd'hui, vous avez 1400 hypermarchés en France. Il y en avait deux dans les années 50. Et puis, vous avez donc les transformateurs, autrement dit l'agroalimentaire. Face à cela, vous avez aujourd'hui, nous on est nés, il y avait à peu près 2 millions de fermes en France. Il y en a, on va dire, entre 400 et 500 000 aujourd'hui. Et vous avez 4 centrales d'achat. À partir de là, vous avez ce levier, c'est-à-dire que nous avons ces paysans qui n'en ont que le nom et qui sont absolument acculés à la mondialisation. Et de là, il faut évidemment trouver quand même aussi des politiques qui fassent leur boulot, qui ne soient pas simplement en train de faire des baisse-mains à la grande distribution parce que ça va leur apporter des taxes, parce que ça va leur apporter des emplois qui d'ailleurs ne seront pas forcément très très bien payés. Donc tout ceci est un peu consanguin. Est-ce que l'État fait aussi son travail pour pouvoir limiter la casse par rapport à ces grandes surfaces? Aujourd'hui, on n'en est pas tellement sûr, Frédéric. Oui. Et quelles leçons on a tirées? On les a tirées, mais en même temps, le problème c'est que, comme je disais tout à l'heure, le marché de l'alimentation, certes, il y a plus de garde-fous, certes, il y a plus de contrôle. Faut bien que les auditeurs comprennent qu'il y a eu un avant et un après la vache folle, comme il y a eu un avant et un après sans contaminer. Mmh. Il y a une prise de conscience d'abord de la haute administration, des chercheurs qui ont refusé, moi je l'ai vu ça, suite à l'affaire du sang contaminé, qui ont dit c'est terminé, on arrête d'avaler des couleuvres, et quand on sait quelque chose, on le diffuse. C'est depuis le sang contaminé et la vache folle que tous les rapports d'enquête sont sur le web. Ça a tout changé. Par contre, le marché alimentaire, ça reste un marché mondialisé, financiarisé, opaque par exemple. exemple, le groupe Lactalis ne diffuse pas ses comptes. Par exemple, Leclerc, on sait très bien que sa centrale d'achat est délocalisée, défiscalisée au Luxembourg ou en Belgique. Donc comment voulez-vous contrôler avec les meilleures intentions du monde des groupes qui font comme les groupes financiers, qui se cachent derrière des enseignes multiples dans des paradis fiscaux ou dans des pays dont les contrôles ne sont pas la première vertu? Donc oui, on en a pris conscience, mais la réponse finalement ne fait que renforcer le problème, parce que cette réponse a été de renforcer la réglementation en matière sanitaire. Mais ce renforcement de la réglementation sanitaire, en particulier sur la grippe aviaire, elle n'est possible financièrement que pour les grands groupes, lesquels sont à l'origine du problème. Et derrière tout ça, on a, sur la grippe aviaire, on a plein de petits éleveurs qui ont été obligés de raccrocher parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un double sas, d'avoir des salles blanches, etc. Alors même que la grippe aviaire, pour l'essentiel, c'est un symptôme d'une industrialisation d'une filière. Or, la réglementation ne peut profiter qu'à ceux qui en sont à l'origine, aux industriels. Donc oui, on en a pris conscience, mais vers de plus en plus d'hygiénisation qui ne peut statistiquement générer que de plus en plus de crises. Parce que quand vous avez affaire à des produits, on va dire hygiénisés, stérilisés, il suffit qu'il y en ait un qui le soit un peu moins, ça paraît vite statistiquement, et la boum, il devient un foyer d'infection. Alors qu'un bon lait cru. Alors moi je me dis quand même, quand on revient à la vache folle et qu'on voit que ça crée aussi un problème diplomatique entre la France et la Grande-Bretagne, que les deux avaient une approche très différente, bah je me dis tout simplement que la solution, elle devrait et elle doit passer par l'Europe. Sinon, à quoi sert l'Europe? Sur ce point-là, en tout cas. Alors, nous avons un produit quand même, nous avons aujourd'hui des produits, enfin tout est extrêmement libéral, donc avec cette merveilleuse Europe, qui l'est encore plus que les États-Unis. C'est ça qui est dingue. On est parti avec Pétain, avec la terre ne ment pas. Bon, bah là aujourd'hui, si vous voulez, c'est le marché et c'est l'empoisonnement du vivant qui ne ment pas. Alors oui, c'est-à-dire que je pense qu'on est sur une fin de société qui est complètement démente et qui est en train de réinventer autre chose. Alors, on peut se dire que la pression publique n'a pas été forcément la plus efficace. Oui, bien sûr que si l'Europe, avec la population, décide de faire bouger les choses, que l'État fait encore mieux, on va dire, son travail, et que le consommateur ne devienne pas complètement schizophrène non plus. Parce que, si vous voulez, il ne va absolument pas arbitrer sur son abonnement de portable, mais il va arbitrer sur des choses qu'il va manger. Non, l'Europe a réagi, mais à la façon qu'ont les ingénieurs, à la façon qu'ont les techniciens, à la façon qu'a l'Europe du Nord, qui est prééminente dans les postes à la Commission européenne, de réagir, c'est-à-dire de façon sanitaire sur des chiffres et des objectifs. Donc on a réagi sur l'alimentation, sur les crises alimentaires, en pondant des normes, mais des normes sanitaires qui ne correspondent pas à ce que la nourriture est, c'est-à-dire tout autre chose que des protéines, des lipides et des glucides. Et ça, c'est quasiment antinomique avec la culture alimentaire des pays latins, pour faire court. Donc l'Europe a répondu, mais pour nous préserver d'une maladie. L'Europe n'a pas répondu pour améliorer la qualité gustative, ni la qualité culturelle des aliments. Or, un aliment, c'est bien autre chose que ce que l'on ingurgite une fois que c'est arrivé dans l'estomac. Et ça, l'Europe ne sait pas faire. Mais les pays qui se retranchent derrière l'Europe pour dire « on ne peut pas faire » se trompent et mentent. Hein, c'est le principe de subsidiarité. Un pays comme la France, d'ailleurs ça a été finalement évoqué en sous-main par Emmanuel Macron à propos du glyphosate, dès lors que on ne contrevient pas à une loi européenne, on peut rajouter des lignes qui viennent renforcer ou qui viennent introduire une spécificité française. Et d'ailleurs, ça a été autorisé par l'Europe à propos du lait cru. Il y a eu le scandale de l'époisse, la listeria, il y a quelques années. Les industriels disaient « Ah ben non, de toute façon, le lait cru, c'est dangereux, la directive européenne l'interdit. » C'est faux, c'est complètement faux. Ouais. On l'autorise. Derrière tout ça, la responsabilité du consommateur, c'est d'accepter de prendre un risque. Quand le consommateur va à l'étranger, il en revient en disant « j'ai eu la tourista », c'est pratiquement un brevet d'aventure. Mais en France, on n'accepte plus rien. Donc dès lors qu'un aliment, on le voit bien dans la cantine, il suffit qu'il y ait un germe détecté de listeria, et là c'est la catastrophe, cellule psychologique, journal de 20h, on n'en sort plus. Non, il peut y avoir un risque à manger des produits dont la valeur gustative et nutritionnelle vient justement du fait que ce sont des produits qui vivent. Mmh. Et le retour à une alimentation saine qui va de pair avec une diminution des déchets, bah c'est une alimentation que l'on connaît, que l'on apprécie, dont on connaît l'origine, que l'on cuisine soi-même. Ce sont des produits frais, des produits maturés. C'est pas des produits industriels. L'intérêt de l'industrie, si vous voulez, qui profite, j'en parle beaucoup dans le livre avec Gilles, l'illustrateur, l'industrie profite toujours des crises alimentaires pour renforcer ses process industriels, donc ça m'a mis sur toute la chaîne. C'est un circuit sans fin. Et la seule façon de l'arrêter, c'est de dire non, nous on veut bouffer avec du goût dans la bouche. On veut autre chose que des produits transformés qui ne sont que des tas de molécules. Alors il y a aussi des réactions un peu décalées à l'époque. La vache folle, ça remonte à 20 ans. On va écouter ce qu'on disait Jacques Chirac à Londres en novembre 1999. Il était président de la République, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il serait bien de remplacer la tête de veau élyséenne par le roast beef royal? Si l'on veut avoir du bœuf royal, il faut d'abord avoir un veau. Et que comme tous les veaux, naturellement, ne peuvent pas devenir des bœufs, alors il faut bien aussi les manger. D'où l'importance qu'il y a également à sauvegarder la tête de veau. Bon, un peu d'humour hein, pour faire passer les choses, mais on a l'impression que c'est quand même décalé par rapport à une crise majeure. On le dit bien, aujourd'hui, il y a eu l'avant et l'après. Vache folle, là, le président de la République s'exprime, alors fidèle à ce qu'était son image. Mais il n'y a pas un côté décalé de Nichesou quand même. Si, mais bon, alors aujourd'hui, les gens sont plus sensibilisés. Si on revient sur la vache, alors évidemment qu'il y a des problèmes sanitaires, mais ils sont beaucoup plus sensibilisés maintenant à la souffrance animale. Ça, c'est arrivé dans le paysage aussi, audiovisuel et dans le cortex, depuis quoi? Allez, 2 ans, 3 ans, pas plus. C'est grâce vrai. À L214 qui donc nous a montré. Donc on a un déni sur la mort, de toute façon, de manière générale dans la société, que ce soit la nôtre ou bien celle des animaux, c'est à peu près, je ne vais pas dire que c'est le même combat, mais je veux dire qu'on ne veut pas le savoir. Maintenant, ça commence à venir. À côté de ça, qu'est-ce que l'on voit? Soit effectivement, vous allez avoir la vache kilowattheure qui va vous fabriquer de l'énergie parce que le lait ne vaut plus un clou aujourd'hui. Ou bien à ce moment-là, vous avez la vache paysage. Et c'est elle qui va vous façonner aussi les paysages et tout cet imaginaire dont on a eu aussi besoin. Donc maintenant, on est là. Tout à l'heure, vous disiez effectivement, manger moins de viande pour arbitrer. Oui, mais d'ailleurs, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, cette affaire-là. C'est-à-dire que vous avez effectivement, soit vous avez les véganes qui vous disent « Non, faut pas manger, etc. » Je pense qu'il faut un sas, si vous voulez. Il faut que les gens s'habituent, etc. Et en plus, c'est culturel. Moi, j'entends très bien le problème de la souffrance animale. Là n'est pas le souci. Et c'est important, évidemment, d'en parler. Mais si vous retirez véritablement donc, la domestication qui date depuis 8000 ans, à peu près, donc depuis le néolithique, vous allez avoir des ruptures absolument incroyables. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire, doucement, les gens arbitrent là-dessus, mais le pastoralisme, ça a aussi ses vertus. Des prés, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas tellement longtemps, maintenant, allez, il y a 5-6 ans, que les champs étaient aussi extrêmement importants, parce que c'était des puits de carbone formidables, au-delà des éponges aussi, donc à eau, un peu comme les forêts. Donc la résilience même du réchauffement climatique passera par les sols, et donc passera aussi par les prairies. Et pour qu'il ça passe par les prairies, il y a aussi de l'élevage, hein. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils arbitrent comme ils le souhaitent. C'est toute une chaîne à laquelle on ne pense pas forcément. Frédéric Denray, sur ce point. Effectivement, il y a un avant et un après L214. Aujourd'hui, une crise comme la vache folle, effectivement, est devenue en partie impossible parce qu'on accorde... Ah, quand même, donc on a avancé. Ah ben oui, on a avancé. Ah, oui, oui, oui. On a avancé, mais dans le sens d'une industrialisation encore plus poussée. Et on a avancé aussi beaucoup, je vais pas dire moralement, mais éthiquement, sur le bien-être animal, avec toutes les dérives qu'a évoqué Denis. Donc aujourd'hui, faire souffrir un animal, c'est devenu impossible. Donc faire souffrir un animal par un prion, c'est devenu impossible. Après, on répond comment à ça? Est-ce que l'animal, on le met sous contrôle absolu, genre ferme des 1000 vaches? Ou effectivement, il va rien lui arriver, parce que la vache, on va lui injecter des choses en permanence de façon à ce qu'elle ne soit pas malade. Ou est-ce qu'on prend le risque que la vache... soit juste une vache, c'est-à-dire au pré, sous la flotte, sous le soleil. C'est deux choix complètement différents entre lesquels les éleveurs, ils essayent d'arbitrer, mais ils ne pourront jamais aussi bien arbitrer que si derrière, on a un consommateur, un auditeur et une auditrice qui, par le choix de ce dont elle va remplir son panier, va dire quel mode de société elle veut. Quand on va chez le boucher ou quand on va dans un supermarché, on ne dit pas la même chose à la société. Denis, je vais vous poser une question toute simple. Ça veut dire que la réponse est compliquée. Oh là. Est-ce que le bio est une réponse à la malbouffe? Et la réponse, tiens, je vais aller encore plus loin. Non, on va dire que c'est une réponse aujourd'hui à la malbouffe. On pourrait espérer que ce soit la réponse à malbouffe, mais on va se calmer. Ce qui est assez formidable, c'est que là maintenant, là aussi, depuis moins de 5 ans, ça a complètement explosé. Et pourquoi? Ça a explosé pour des questions d'abord sanitaires. C'est pas parce que les gens sont forcément écolos. C'est passé beaucoup par les femmes, parce que d'une manière générale, sur l'environnement, elles portent le problème de santé et environnement. Bon. Donc, quand vous êtes une jeune mère, aujourd'hui, vous passez tout de suite au bio. Ce qui n'était pas le cas forcément donc avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient, si vous voulez, sur du bon sens. On dit très souvent avec Frédéric Denray, que l'environnement et l'écologie bien comprises, c'est jamais que de pouvoir rouvrir ce que les 30 Glorieuses ont merveilleusement fermé. Bien sûr. Voilà. Maintenant, le bio n'a de sens aussi que si on est sur un circuit court. C'est-à-dire que si, du bio, si vous voulez, qui va faire 3000 ou 4000 kilomètres, là, il y a un vrai problème éthique. Vous n'aurez pas de pesticides dedans, on est bien d'accord. Mais si ce bio fait 3000, 4000 kilomètres et que vous n'avez aucun rapport avec le céréalier, avec l'agriculteur qui est derrière, pour nous, ce n'est pas du bio. Mais on va renvoyer à la question du prix, toujours. On dit le bio, oui, au développement. Le problème, c'est cher. Bon, qu'est-ce qu'on répond à ça, c'est un peu simple, mais c'est pourtant ce qu'on entend. Non, mais c'est essentiel. Les militants du bio qui disent que le bio va plus cher, c'est faux. Alors, effectivement, on peut dire que la nourriture de mauvaise qualité, vous la payez deux fois. Vous la payez une fois au magasin, puis ensuite, vous la payez dans vos impôts qui servent à juguler les problèmes d'environnement. À nettoyer la flotte, voilà, nettoyer la terre, etc. Oui. Bon, mais pour le consommateur, c'est ce qu'il a au bout de sa caisse. Donc, le bio est cher. Bien manger, contrairement à ce qu'on dit, c'est cher. Or, aujourd'hui, à cause de l'explosion... On peut dire c'est à peu près 20% de plus aujourd'hui. Au moins, c'est au moins. Oui. Sur la viande, c'est 50% oui, pour la viande plus, que ce soit du label rouge ou que ce soit du bio. Mais dans une civilisation qui a porté le propriétaire au pinacle de l'imaginaire collectif et donc qui, pour ce faire, n'a pas contrôlé les prix de l'immobilier, aujourd'hui, les gens sont exsangues. En Ile-de-France, en grande banlieue, les gens n'ont pas les moyens, tout simplement, d'acheter de la nourriture de qualité. C'est tout. Donc, je pense que les pouvoirs publics devraient aider et que... Ça peut commencer par le développement du bio, par la PAC, politique agricole commune, qui n'est pas comme tellement sur le bio, quand même. Reconversions ne sont pas tellement aidées, non plus. Alors, déjà, c'est marrant, vous employez le terme conversion, hein, comme si c'était... Et d'ailleurs, on se convertit au bio sur c'est des religieux. Terres consacrées au bio. C'est très c'est un religieux. Terme technique. Voilà. Il n'y a pas que, mais qui peut rebuter des paysans. Alors, il y a la PAC, certes, mais il y a surtout le gouvernement français, la FNSEA, pour faire court, qui a tout fait pour empêcher les aides bio. Aujourd'hui, on en est à 5,5% de surface agricole utile. On pourra en être facilement à 20%. 5,5% par rapport aux autres pays européens qui sont les champions. Alors, on a l'Italie, l'Allemagne qui est pas mal non plus. Ouais. On est entre 15 et 20% à peu près. Combien l'Italie ? 20, je dirais 20. Ah oui, belle performance. Bah, c'est l'Italie, ils ont maintenu une petite agriculture de proximité. Bien, toute dernière chose quand même, on va bientôt être 9 milliards sur cette terre. Il y a quand même une question importante, c'est de nourrir tout le monde par rapport à tout ce qu'on dit. Denis Chessou, on va finir là-dessus. C'est quoi la direction à prendre pour aller dans quelque chose d'équitable? Déjà, nos fameux merveilleux modes de vie. Alors, c'est très facile de le dire quand on a un toit, quand on a un métier, que les choses vont bien. Mais c'est vrai que nos modes de vie ne sont pas exportables et ne sont pas tenables. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on bute sur les limites de la planète. On ne bute pas sur l'intelligence humaine. Alors oui, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, quand on voit quand même les terres arables qui diminuent aussi, quand on voit la qualité des sols, je reviens là-dessus, c'est-à-dire que les sols, ça va être la clé de résilience véritablement aussi du réchauffement climatique et de tous les problèmes. Donc, comme là, ça diminue, de toute façon, on ne pourra pas continuer à avoir 40 ou 50% de nos surfaces agricoles dans le monde qui sont dédiées uniquement à l'élevage. Donc, effectivement, à base de protéines, on peut y arriver. Mais c'est, là aussi, c'est un changement d'une révolution culturelle. C'est oui, bien sûr, bien sûr. Absolument. Mais je veux dire que c'est pas impossible du tout. Quoi. Bien, merci. Ce sera le mot de la fin selon l'expression consacrée. Merci Frédéric Danhué et merci Denis Chessou. Merci. Messieurs, merci bientôt sur l'antenne de France Inter. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la crise de la vache folle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée au journaliste otage Brice Fletiot. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Simon Mézanob, Jeanne Maillard et Adrien Cara. Attaché de production, Valérie Priol. Et coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot.